émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Lino. Passez une bonne soirée et bienvenue, Planète Rap consacrée à Lino. Lino, yes. Journée particulière aujourd'hui. Bonsoir, hein. Bonsoir. Journée particulière, journée compliquée. D'ailleurs, on s'est dit, est-ce qu'il faut mettre un best-of? Est-ce qu'il faut pas faire d'émission? Eh ben non, ici à Skyrock, on a toujours cru en cette liberté d'expression. Donc, on continue à faire une émission à peu près normale, mais évidemment, en ayant une pensée pour les 12 disparus, les blessés, pour leurs familles, évidemment. Voilà, Charlie Hebdo. Pour les familles, les morts, c'est normal. Et puis aussi rappeler que, voilà, ceux qui commettent des actes au nom de telle ou telle religion n'ont absolument rien à voir. Ce sont juste, tu l'as dit d'ailleurs dans une interview, je te disais ça, Lino, je t'ai vu, je crois que c'est sur Rap Elite. Je crois. Où tu disais, les mecs qui commettent ça au nom de Allah ou de n'importe quel dieu d'ailleurs. Non, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a absolument rien à voir avec aucune religion. T'es un malade. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ils sont des criminels et on souhaite qu'ils soient vite frappés. Je pense que toute personne normalement constituée devrait le savoir et le comprendre. Bah, c'est bon de le rappeler aussi parce que c'est vrai que c'est ce que t'expliquais aussi dans une interview. C'est vrai que on est dans une situation ici parfois où ça peut être. Oui, parce qu'on a tendance aussi à chauffer. Souvent dans les médias, on fait beaucoup de show, quoi. C'est ça le problème, c'est le show. Et au-delà du show, comme on disait, il y a des familles qui souffrent et c'est ça le plus important. En fait. Et le plus important, c'est pour nos pensées. Bienvenue donc à Teufa, Calbo qui sont là aussi. Oui. Teufa touché aussi parce que on en parlait toi aussi, Charlie Hebdo. Ah ouais, mais même Cabu, Volinsky, Charme, c'est des mecs qu'on a grandi avec et avec leur humour. Et c'est très triste ce qui s'est passé. Et surtout, j'espère que les gens ils feront pas d'amalgame et qu'il faut qu'on reste soudés quoi qu'il arrive et surtout pas commencer à pointer du doigt des gens qui ne sont pas responsables de ce que des fous ont fait, quoi. Eh ben, je pense en tout cas en voyant les messages et continuer parce qu'on a eu plein de messages depuis que c'est arrivé depuis ce matin 11h30, donc continuer à les balancer aussi avec le hashtag Lino sur Skyrock. Je pense que les gens ont bien compris et que ça n'a absolument rien à voir avec qui que ce soit. Et en tout cas, une nouvelle fois, ici c'est la liberté d'expression et on pense à vous ce soir. On est tous Charlie. Bienvenue à vous tous dans ce Planète Rap consacré à Lino. On va aussi continuer évidemment parce que le meilleur moyen et je trouve que la meilleure des choses, c'est que quand tout s'arrête, d'un seul coup, c'est un petit peu donner raison à ces gens-là. Donc on va pas leur donner raison. On va faire une bonne émission ce soir. On va parler de cet album qui s'appelle Requiem. Requiem, on est dans c'est le nom de l'album aussi, hein. C'est le nom de l'album aussi, hein. Donc pile dans l'actu. Pile dans l'actu, j'ai envie de dire. C'est mon drame. Et l'album, en tout cas, est très bon. C'est celui de Lino qu'on découvre tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Tu es venu avec des invités. Je disais, il y a Teufa, il y a Calbo, mais il y a aussi. Il y a des gars qui n'a failli ne pas arriver ici au premier étage. Il y a un gars controversé. Il y a un cheveu dans la tête, là. Il a fait comme Bruce Lee dans le jeu de la mort. Il a passé plusieurs mètres. Je sais pas comment il est arrivé là. Rentrer très simplement. Et ça va être dur pour ressortir. je cache pas que ça va être compliqué. Non, mais je suis très content d'être là parce que. Non, mais déjà, c'est John Rachid. Déjà. Le monsieur s'appelle John Rachid. Bonsoir. Il fait des vidéos. Bonsoir. Qui sont souvent drôles, il faut le dire quand même. Ah, merci quand même. On peut mettre ça quand même. On a deux, trois. Bon, d'accord. Un à deux. On peut pas faire un sans faute. On peut pas tout le temps faire un sans faute. Moi, je savais pas qu'il était en couille. Il en a fait une sur Skyrock, mais peut-être que tu as voulu voir un petit peu comment ça se passait de l'intérieur. Comme j'assume tout ce que je dis. Dans le ventre de la baleine. Mais dedans, je le dis quand même que j'ai écouté cette radio toute mon adolescence. C'est-à-dire que vous êtes, comme je le dis à l'intérieur, vous êtes autant. C'est compliqué. C'est autant un kiff qu'une déception parce que moi c'est grâce à Skyrock que j'ai découvert tous ces rappeurs que j'ai écoutés quand j'étais petit, notamment Lino et Calbo. Voilà. Mais et du coup moi c'était juste ce que c'était devenu que ça me faisait un peu chier. Bon mais là ce soir ça va. Mais là ce soir évidemment le bien. Les trentenaires ils faisaient juste son cardio, les trentenaires peuvent rallumer la radio. J'ai 30 ans. Ça me parle. J'ai 30 ans, je rallume la radio et je viens même. Bon John Rachid en tout cas allez mater les vidéos, c'en est où d'ailleurs les collections J'ai mal au rap, c'est fini là. En fait, je pars du principe que j'ai déjà tout dit, on a déjà tout dit avec mon co-auteur Karim sur 10 épisodes et ça sert à rien de niquer le message qu'on a déjà véhiculé avec plein d'épisodes qui servent à rien, on va redire la même chose. T'attends les prochains peut-être. Mais même pas, parce qu'en vrai on a tout clôturé, on a tout dit, donc ça sert à rien d'enfoncer le clou encore plus parce que tout est expliqué. très clairement, avec un beau final sur Skyrock. C'est vrai. Bonsoir. Que c'était le feu d'artifice. Pour finir, non, mais il y a d'autres vidéos qui arrivent, tu veux. Bien sûr, d'autres trucs. Bien sûr, j'ai pas mal au rap, notamment le premier épisode avec sur Lino. Lino. Oui, je vais merci, continuer. Bonsoir, salut. Voilà. Bonsoir. Et merci. Je vais continuer parce que là, c'est un petit peu ouf. Entre Skyrock, où j'étais que j'écoutais quand j'étais petit, et entre Lino et Calbo, que j'écoutais vraiment dans ma chambre, au foyer, avec un post-cassette. Là, c'est... Non, mais parce que là, il y a un point crucial. Écouter dans la chambre, c'est très important. Écouter dans ça emmène vraiment, on est vraiment au cœur du truc. Quand tu écoutes dans la chambre, t'as vraiment, tu c'est prends possession des lyrics, c'est vraiment, tu rentres dans un disque. C'est vrai, c'est très important. C'est ce qu'on évoquait un petit peu en début de semaine, la façon de consommer, voilà, entre guillemets, la exactement. Musique. Exactement. Bah oui, avant, t'avais les cassettes, t'écoutais forcément tous les morceaux, ou du moins tous les albums en intégralité. Voilà, ouais. Tu mettais ton petit Walkman dans la chambre. Non, c'est vrai qu'Internet. Mais c'est, voilà, et la manière de choper la musique des jeunes, ça désacralise un peu la musique. C'est vrai, moi, si je peux donner un exemple, c'est par exemple quand il y avait un nouveau son d'Arsenic qui sortait, qui passait sur Skyrock, on appuyait sur Rec directement. Si on ratait ce moment-là, des fois j'avais des morceaux de musique, j'avais qu'un couplet, un refrain. Bon, mais bon, après on va pas militer pour le retour du post-cassette et de la cassette TDK qui... D'ailleurs, on rappelle qu'en téléchargement, en précommande, on peut avoir l'album de Lino. Ouais, bien sûr. Allez télécharger. Mais tu sais, ce qui était bien avec la cassette, c'était que t'étais obligé d'écouter toute la cassette. Ouais, voilà. L'avance rapide, c'était tellement bizarre, il était suspect. Ça mangeait la bande. Mais c'est vrai qu'il faut aussi vivre avec son temps, donc les dinosaures. Voilà, mais non. Côté pour l'instant. Au-delà de ça, bien sûr. Par contre, Lino, je t'ai pas demandé, alors pourquoi John Rachid est là ce soir pour son premier et dernier il m'a forcé. Non, parce qu'en fait, ce monsieur est dans l'album. Et dans l'album. Il a fait ce qu'on appelle des skits. Voilà. Donc, des interludes. Voilà, il fait des interludes. On en avait fait quelques-unes, mais bon, après, avec les formats aujourd'hui, on a dû couper des trucs, tout ça, mais il fait l'intro du morceau Ne m'appelle plus rappeur. Voilà. Donc, ça s'appelle Le rap n'est plus. Donc voilà, on l'a appelé, il a fait le truc, tuerie, j'aime bien ça, tu. Et voilà, mais j'étais très content. Il fait rire de. Merci. Mais toi, tu l'as connu pareil, Internet, Génération Internet, que tu l'as. Oui, mais je l'avais connu, ça fait longtemps. Il avait fait un truc box avec les mots. Un genre de Brassens bizarre. Ça s'appelle Guitar Terre, j'avais fait. J'avais repris le rap en chanson française. À l'époque. Voilà. Et j'avais kiffé ça. Et on a des amis en commun, notamment les deux balles. Ouais, les deux balles. Les deux aussi. Jackie et Léon, c'est. Qu'on big up. Salut en tout cas pour vos frères. Ouais. Avant d'attaquer de débuter avec le morceau de Rêve et de Cendre dans un instant qui est extrait de l'album de Lino, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Si la guerre se gagne, le ventre vide. Fatigué de perdre, l'oseille achète des petites victoires. J'ai dû le comprendre vite. Alors on prie un peu au mal, cherchant le coupable partout, sortant nos classes. Dédicace au bar HLM où on a fait nos classes. Dis-moi à quoi tu rêves, dis à quoi tu penses. Ne regarde plus vers hier, l'horizon. Planet Rap. Lino à découvrir toute la semaine, même pendant 15 jours, l'album de Lino sur Skyrock, tous les soirs entre 20 et 21, avec Manon qui est là, qui t'accompagne sur ce morceau. Lino, il est né comment d'ailleurs celui-ci, de Rêve et de Cendre? Pour celui-là, voilà, on voulait une voix spécifique. Je voulais pas un truc trop R&B-sant, trop, tu vois. Et la sœur a fait un truc. Je pense que tu voulais une voix un peu douce en fait. Exactement. Une petite voix douce. Une douceur. Une petite douceur, voilà. Il y a ça. Bonbon, on appelle ça bonbon. Et Manon est arrivée. Ouais. Exactement. Côté du paradis où le diable fait des emplettes. Elle sait pas lire entre les lignes et prend la poudre des scampettes. Jamais sans Caroline. En fait, elle vit sans virgule, maudite tâche de naissance. Elle fête et fait son baptême du feu dans un bain d'essence. Planet Rap. On a grandi ensemble, mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas. On ne se suit pas. On se connaît pas. Je roule sur la marge, je vis en parenthèse. L'encre coule sur la page, je repars en 16. Je marche, puis seul dans la foule. J'ai mon héritage sur l'épiderme. Ma tour 10 étages, j'écrivais ses viternes. Tu vois, je sais pas chanter. J'ai jamais essayé. J'ai une voix de merde. T'as jamais. Non, j'ai une voix de même merde. Même avec les nouveaux appareils qui te permettent de. Non, non, non. Mais il y a des gens. Il y a des autotunes. Non. Pas sorti.

Et même sans mort, la vie reste une chienne. Ceux qui sont morts ont pris de l'avance. Ne cherchez pas mon blaze en haut de la base. Je suis pas de ceux qui croient que le péché ça part au lavage. Je connais pas le prix du bonheur. Si ça s'achète, combien de zéros tu mets? La tombe avant le déshonneur, petite. Combien d'euros tu m'aimes? Je suis pas donneur de leçons. Pas meilleur qu'un autre, j'ai juste pigé. Qu'enfant, tuer le temps. Maintenant, rêve de le figer. Sans excédent de bagages, je voyage léger. L'air gris et lourd. Nous, on sort en meute au crépuscule. La lune, c'est le soleil des loups. On blâme la bombe. Parce que lui qui l'a amorcé. Le vice est insomniaque. Qui a des traces de piqûres sur les bras de Morphée. Le game est truqué. Ils veulent que je mette un bémol. Je suis hypnotisé par l'écran. Éduqué par un démol. Des questions connes sans réponse. Savent plus quel dieu invoquer. Surtout ne pas se poser les bonnes. Comme à quoi ça sert de voter. Encore à moins qu'ils fassent un putain de froid polaire. En enfer, je sais que c'est les fous qui ont raison. Je fais confiance qu'aux hommes en colère. Les saisons crèvent, on chie pas de pif. Alors on rêve une fois dans le sas. Braquer un peu de kiff. Je lis l'évangile selon Goldman et Sachs. Tu rêves, dis à quoi tu penses. Ne regarde plus vers hier, l'horizon est immense. Dis-moi quoi tu rêves, il faut que tu avances. Moi j'entendrai tes prières, j'écouterai tes silences. Le Planète Rap consacré à Lino et ce morceau de Rêve et de Cendre à l'instant avec Manon du groupe Mutine qui était là hier soir dans l'émission. Lino, yes. Extrait de ton album qui sort lundi. Ce soir, tu as invité un galopin. Ouais, ah, le cheveu dans la soupe, comme on dit. Un galopin. Ah, ouais, voilà, mais c'est John. Il s'appelle John Rachid. Allez, voilà, mettez ses vidéos sur le net. Hein. Voilà, mais parce qu'en fait, moi j'aime beaucoup moi ces délires d'humour, tout ça. Je pense que pour le rap devrait se marrer un peu plus aussi. D'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Mais même si, parce que moi, je fais une musique qui est quand même assez dark, même si, bon, dans la vie de tous les jours, je suis pas dans ce délire-là. Mais dans la musique, c'est mon approche. Mais moi, j'aime bien aussi ces trucs d'humour. Donc, je pense que c'est le mariage, ça tue, ça détonne. Je vais pas le répéter, mais vraiment, enfin si, je le répète même. Moi, c'est des gens que j'écoutais vraiment tout seul en galère, et le fait d'être invité sur cet album-là, c'est une fierté de ouf. C'est vraiment, c'est ouf, parce que je parle de rap dans mes vidéos, mais je m'y connais, j'écoute du rap depuis que j'ai 10 ans. Ça fait depuis que j'ai 10 piges, en allumant ma radio d'ailleurs, hein, on va le dire. Et du coup, d'être sur cet album-là, c'est juste ouf. C'est complètement ouf pour moi. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous faire un petit j'ai pas mal au rap de cet album de Requiem ou pas? Bah non, parce que j'ai déjà fait le j'ai pas mal au rap sur Lino. Après, ce serait trop forcé. Déjà, non, mais t'as écouté tout l'album déjà de partout. attention, là il touche un point. Qu'est-ce qui se passe? Attends, il touche un point là. J'en fais un peu trop sur toi, mais je l'aurais fait même si j'étais pas dans l'album. Pourquoi t'en fais trop? Pour expliquer aux gens, parce que c'est important. En temps de disette, je publie un peu beaucoup de Lino. Ouais, alors, qu'est-ce que c'est pas le problème? Du coup, en fait, quand tu parles bien d'un rappeur, forcément, ah oui, il n'y a pas de juste milieu. Ouais, mais ça, c'est le problème aussi aujourd'hui des réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, c'est un système exactement, où il faut mal parler. Bien parler, c'est bizarre dans les réseaux sociaux. Il faut mal parler. C'est exactement. Si donc, tu parles pas mal, c'est pas bien. Voilà, donc t'as peut-être pas été dans le bon truc. Surtout Lino, c'était son fonds de commerce. Donc c'était j'ai pas mal au rap. Le jour où il a fait là je suis bien, là, ouais. Ils étaient étonnés. Mais non, mais le j'ai pas mal au rap a autant marché que le j'ai mal au rap. Ça, c'est bien. Bien sûr. Ça, c'est bien. Mais après, c'est vrai que t'étais le premier là-dessus. Donc les réseaux sociaux, le problème, c'est que quand on avait 12 ans, nous, on pensait pareil que ces gens-là, sauf qu'on n'avait pas, on le disait à personne. Et là, sauf que maintenant, ils pensent voilà, pareil, mais ils le disent parole, à tout le monde. C'est une, voilà, c'est une parole qui voilà, c'est démocratique. Il faut, et parfois, il faut aussi prendre du recul par rapport à cette parole démocratique. Exactement, exactement. Ouais, voilà, il y en a, ils prennent beaucoup trop d'importance aussi à cette parole. Et moi, je pense qu'à un moment donné, on n'a pas un avis sur tout. Tu vois, moi, j'ai pas d'avis sur les saumons de Norvège. Donc, je vais pas en parler. Merde. Donc, mais tu vois, c'était ma prochaine question, que je veux dire. Lino. Mais, non, mais c'est ça ma le problème. Prochaine question sur le saumon de Norvège. Non, mais moi, c'est ce que je voulais dire avec le net. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les mecs, ils pensent avoir un avis sur tout. Tu vois, tu vas mettre, ah oui, d'accord, mais enculé, on s'en fout. Pourquoi tu me parles? On s'en fout. Non, mais la plupart, surtout. T'as pas d'avis, tais-toi. Moi, quand j'ai pas d'avis, je me tais. On ferme sa gueule. Non, mais surtout, la plupart des gens qu'on connaît, qui est normalement constitué, moi, quand j'aime pas quelque chose ou que je trouve, je vais pas en parler sur Internet. Je vais pas le dire, je vais le dire entre potes et tout, mais je vais pas le mettre en commentaire. Donc, il faut savoir que c'est vraiment une petite partie de la population qui commente. Ouais, mais c'est pas du tout représentatif. C'est Grégory, 12 ans, dans sa voilà. Mais tu sais qu'à nous, à notre époque, rendre hommage, chouette, c'était pas traité de suceuse, ouais, qu'on aimait bien ça. Quand t'aimais bien un artiste, tu le disais, j'aime bien cet artiste. Ouais, oui, c'est vrai que c'est suspect d'aimer maintenant, quelqu'un. Dès que tu dis t'aimes bien quelqu'un, c'est. C'est suspect, ouais. Et par contre, quand tu parles mal de quelqu'un, comme il l'a dit, il n'y a pas de problème. Ouais, voilà, kiffe, ouais. Parce qu'on est dans le sensationnel, il faut. On s'en fout. Ici, on est dans la bonne humeur, on kiffe. Exactement. Et c'est important. Et là, j'ai vu un gars qui est arrivé, il est voilà, suspect, il a des lunettes noires. J'ai des lunettes noires, un bonnet bizarre. J'ai l'impression que ce soir, c'est pas des chansons. Je comprends pas trop sa boire, mais je sais pas. Dans cette journée particulière, quelque part, ça va faire du bien un petit peu, puisque après la venue de John Rashid, voilà, il y a un autre monsieur qui s'est pointé. Tino, t'as la venue de Tino. Il est rentré dans une voix. Ah, il a travaillé la voix. Il a bossé. L'imitateur numéro un du rap français, du rap international, même, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ouais, monsieur bon, Willax. Willax. Les parodieurs, tu vois, les bails de parodie depuis. Il y a un truc qui est marrant avec les mecs qui font les parodies, ils ont plus de voix. On sait même plus sa voix à lui. Ça va bien, Willax, avec ta voix normale? Ouais, ça va, ça roule. Ça va en pleine forme? Tranquille, tu sais faire Calbo aussi ou pas? Ouais, j'essaie de faire. Mais il faut parler un peu lingala, tu vois, non? C'est pas difficile, tu vois. Bon, ce soir, t'es en Tino, en tout cas. Exactement. Parce que là, tu as le bonnet, les lunettes. Le bonnet, j'ai ce qu'il faut, tu vois ce que je veux dire. Comment ça se passe pour l'album, Tino? Bon, ça va, tout va bien. Là, j'ai quelques petits lyrics que je vais devoir placer un peu en freestyle tout à l'heure. Mais bon. C'est pour les anciens. Donc ressortez vos chaises roulantes, vos déambulateurs. Parce que là, je vais rapper sale pour les vieux là. Sortez vos transistors. Sortez-le. Moi, je rappe pour les youth. Non, tout à l'heure, tu disais en même temps, avant qu'on parle avec John Rashid, tu disais quelque chose d'important, je trouve, justement. Ouais. C'est ce côté-là où c'est vrai que Lino, quand on te voit, quand on te côtoie, quand les gens te croisent et tout, t'aimes bien te marrer. Et c'est vrai que sur les albums, en tout cas, ce que t'as délivré, c'est vrai qu'il y a toujours une partie un peu sombre. Ouais, mais après. Ouais, bien sûr. Mais c'est une approche musicale, tu vois. C'est pas, je veux dire, ce que la manière dont on fait notre musique, la manière, je dis bien. Je dis pas ce que je mets dedans. Ça reflète pas spécialement ce qu'on est dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est comme, je vais aller dans des trucs. Tout à l'heure, on parlait d'Yeuf, mais là, je vais parler de Brel. C'est relou pour les mecs qui savent pas Brel. Hein, allez cliquer sur Brel aussi, Jacques. Pour le coup, n'hésitez pas voilà, c'était à mettre du commentaire. Tu vois, c'était très très sombre. Tu vois, il y avait ce truc. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que ça permet d'aller dans plusieurs émotions, tout ça. Le truc festif, machin, moi, c'est pas mon délire. Mais après, il y a des choses que j'aime bien. Bon, t'en as fait aussi. Il y a eu des. Bien sûr. Je peux le faire quand je suis. Tu peux le faire. Bien sûr, quand je suis dans un bon délire, on peut faire des trucs festifs, ça pose pas de problème. Mais c'est vrai que par rapport à tes lyrics, dans ce que j'aime faire, c'est ça. Celui-ci s'appelle Requiem. Tu voulais ajouter quelque chose, Calbo? Je te voyais. Il trépigne. Quand tu parles, je vois des images, tu vois. Donc, trépigne. Putain, on a fait du bisso, là. Non, c'est le dombolo, quand même. Non, mais c'est vrai, bien sûr. Ça peut arriver. Mais c'est vrai que sur le biais. Danser sur un pied, moi. Non, mais même sur. Danser sur un pied derrière, passé. Clopin. Sur ta discographie, il y a aussi Lino des morceaux, voilà. Non, mais j'exagère quand je dis ça. J'exagère quand je dis ça. C'est pour ça que c'est un solo. J'exagère quand je dis ça, mais regarde, en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai plus de facilité à faire des choses dans ce genre-là, avec mon style, que des trucs un peu plus festifs. Mais ça n'empêche pas de le faire aussi. J'aime bien ça aussi. Qu'est-ce qu'on mettra de l'album dans un instant, Lino? De l'album, je ne sais point. Eh ben, on va réfléchir pendant la pub. Alors réfléchissons, on revient dans un instant. Oui, yes. C'est la John Rashid aussi, pardon, Tino est là avec nous. Ouais, Tino.

C'est Skyrock et c'est le Planète Rap consacré à Lino, yes. Avec ce morceau qui ouvre l'album Requiem sur Skyrock entre 20 et 21. Yes, dans yes, Planète yes. Rap. Lino, il y a d'autres invités qui sont arrivés, je te laisse. Ouais, il y a des gars qui sont arrivés. Il y a mon gars Donnell Jacksman qui est là. Ouais. C'est mon poteau de Villiers. Ah ouais, hein? Bah ouais, on est là, Skyrock. On a grandi ensemble, en fait. Lui, il a grandi tout seul. Moi, j'ai pas vieilli, mais lui, Non, mytho. En fait, je l'ai connu. Il est vieux, je l'ai connu. C'était un petit. Lino, lui, il était vieux. Moi, j'étais un petit de la cité. J'allais chez lui, regardez les feux de l'amour. Je balance. Ah oui, bah ça, c'est un sacré dossier. Mais en version originale, donc ça. C'est pas vrai. Avec Victor Newman et Nicky. Donc pas d'enfance. Oui, voilà, Donnell, c'est la famille, c'est Villiers, c'est ghetto superstar. On a des morceaux avec Donnell. Non, peut-être, c'est fini. On va peut-être sortir ce morceau-là, peut-être en exclu. J'ai voulu faire du rap, mais le rap a pas voulu de moi. Donc il y a peut-être une exclu. Donc maintenant, tu fais ce morceau en exclu, peut-être. Donc maintenant, tu fais. Maintenant, je suis dans l'humour. Dans l'humour. C'est ça. Je fais des blagues. Non, t'étais déjà dans l'humour. J'étais dans l'humour, dans le rap. Mais le rap, c'est un vrai métier. Mais tu fais des scènes, là, tu te produis prochainement. Il y a des choses. Ah, c'est mon instant promo. Ouais, parfait. C'est l'instant promo. Je suis au point virgule. Point virgule. 21 au 24 janvier. 21, 24 janvier, point virgule. C'est ça. Yes. Et il y aura certainement M. Lino qui ira faire un petit tour, un petit clin d'œil. Non, mais je vais y aller parce que c'est vrai que voilà. Et moi, des fois, j'ai du mal à démarrer, mais je vais y aller. Je vais aller voir le frère et c'est très sérieux ce qu'il fait. Et là, on a aussi un autre enfoiré à côté. C'est Monsieur Youssoufa. Youssoufa, comment va? Présentez-vous, monsieur. Pourquoi? Il y a que des humoristes aujourd'hui. Ah oui, ce soir, c'est la soirée qu'on a choisie. Ouais. Moi, je suis un rigolo, moi. Les animaux. Une spéciale humoriste, il y aura Youssoufa. Non, en plus, on a bien choisi la journée, quoi. C'est la journée où il faut bien rigoler. En même temps, ça fait du bien. Je pense que c'est le meilleur hommage à Charlie Hebdo qu'on puisse avoir. C'est justement avoir des gens qui vont apporter un petit peu de. Parce que là, c'est particulièrement lourd et compliqué. Toi, d'ailleurs, je t'ai vu aussi réagir pareil. Ouais. Non, c'est surtout les prochaines semaines. En fait, c'était très très dur aujourd'hui, mais à mon avis, les prochaines semaines, il y aura des gens qui vont tirer le débat vers le haut. Mais on sait que malheureusement, il y a des gens qui vont aussi déblatérer beaucoup de conneries et se les justifier. Bon, c'est pas grave. Hein, bah, c'est ce qu'on disait, on l'a dit en début d'émission avec Lino. Lino le disait aussi dans les interviews. Toi, tu le dis aussi à longueur de journée. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir avec aucune religion, avec quoi que ce soit. Religion. C'est juste des tarés, quoi, des dingues. Voilà. C'est des tarés. Maintenant, après, les tarés, ils t'inscrivent dans leur. Ils peuvent tenter de t'inscrire. De nous inscrire, on est plusieurs millions, tu vois ce que je veux dire. C'est moi, je sais pas, je pense à ceux d'entre nous qui deviennent gaillards, qui ont des enfants. On a des enfants, ils sont musulmans, ils sont nés ici, ils vont grandir ici, tu vois. Nous, on va dire, allez, vas-y, on est blasé, quoi que ce soit. Peut-être qu'on a accompli des choses, mais eux, ils ont beaucoup à construire, ils ont beaucoup à apporter à ce pays. C'est leur pays, encore plus que nous, on était la première vague. C'est lourd pour eux, c'est lourd, mais vas-y, c'est pas grave. Il faut continuer, je le disais en début d'émission, on est tous Charlie évidemment, et on a une pensée pour tous les disparus, les familles de disparus ce soir. Et en effet, peut-être que le meilleur moyen, c'est de rendre hommage à tous les gens qui sont là, qui vont se produire en musique, sur scène, exactement, ou sur le net, comme John Rachid, comme Willax. Il y a Donnell aussi. Non, mais c'est vrai que Willax me disait même tout à l'heure, putain, c'est vrai que c'est un peu dur, il y a des journées comme ça qui sont. Où t'as pas forcément envie d'imiter Tino, ou même. Non, toi, Youssoufa, comment on fait? Moustapha, voilà. T'avais jamais gaulerie dans le rap français. La vie de ma mère. Je peux revenir demain? Je peux revenir demain aujourd'hui. Moustapha et Tino. Moustapha et quelle sacrée équipe. Je te jure. Mais non, vas-y, un truc. T'as écouté ouais, l'album Requiem? J'avais écouté en studio avec Tefa. Bah, il est dans l'album. Sur l'intégralité du. Ouais, j'avais écouté l'intégralité du truc. Moi, je me rappelle quand je préparais Noir Désir, j'avais invité Bors pour qu'il écoute, et histoire de le piquer un peu, de lui mettre un peu la pression. Bon, il me l'a rendu x10. Alors, en fait, il est en train de dire que je me suis inspiré de Noir Désir. Non! C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pas ce qu'il disait. T'as vu? Franchement, le grand frère congolais, il a bien parlé. C'est bon, je pique, je charrie un peu. Moi, je voulais le piquer. Il m'a fait écouter. Aujourd'hui, c'est spécial humour. J'ai le droit de charrier un peu. Franchement, ta vie, t'as raté, là. Franchement, t'as raté. Moi, je suis du côté de Bocal. Bonjour. Oui, mais c'est normal. Et franchement, il m'a fait écouter. Il y a quelques semaines, Tefa, il m'a fait écouter. Et ben, t'as vu, moi qui suis en train de boucler l'album là. Et là, t'es inspiré pour ton. Ah là, par contre, je me suis inspiré. Là, par contre, je peux le dire. J'ai pompé une ou deux lignes. Ah, tu merci. Vois, il s'en fout. Il en a plein des bonnes. Donc, il s'en bat les reins. Tu vois ce que je veux dire. Mais donne-moi mon sel. Non, vraiment bon. Très très lourd. Et alors, je sais qu'on me demande à chaque fois Négritude, c'est 2015. Ouais, non, là, c'est là. En fait, je sors d'une écoute là. En plus, je sors d'une séance d'écoute avec toute l'équipe et tout ça. Et alors? Ah là, on est content. Il faut que Lino écoute. Si Lino valide en plus. Non, bah bien. Le premier extrait sera quand Lino m'a dit. Lino m'a dit que c'était grave. Dans les prochains jours, et ça sera à mon avis dans la nocturne. Très bien. Je te l'annonce clairement. D'ici la fin du mois de janvier. Ouais, je pense, ouais. C'est noté, hein. Ouais, c'est noté. Je note. La semaine prochaine, un autre Planète Rap, il nous fait une exclu. Ah, tu sais qu'il a 15 jours de Planète Rap, Lino. La semaine prochaine, il sera là encore. Ah, il y a des abonnements, ça n'existait pas. Voilà, c'est le forfait. J'ai les tickets restaurant, j'ai tout. Ça s'appelle le forfait de John Rachid. En fait, on s'est inspiré. On s'est inspiré des bons conseils de John Rachid. Je me demandais pourquoi Calvo, il était en train de déplier un canapé lit, là. C'est ça. Il se mettait à l'aise, tout ça. Et donc, nous avons le forfait 15 jours pour Lino. Le forfait 15 jours pour Lino. Il y a du grison. Qu'est-ce qui se passe? C'est par rapport à l'attente? Non, c'est 2015. Oh, c'est 2015, on change les règles. Je vais revenir. On change les règles. Alerte. Je vais revenir. Et bah, on t'attend la semaine prochaine. Serrures. Voilà, on change les règles et les serrures. Nouvelle base. On passera aussi la semaine prochaine. Non, moi je repars à Lyon. Moi j'ai fait aller-retour, je me tire. Je me tire chez moi, je suis au quartier, vous pouvez me trouver très très bien. Eh bah, bougez pas, dans un instant on passera un morceau. Qu'est-ce qu'on met, Lino, de l'album dans quelques minutes? De l'album, je suis pas sûr parce que je suis un peu radin, tu sais très bien. Tu sais très bien comment je fonctionne depuis le temps. Mais alors, on va peut-être faire du live. On va s'amuser un peu, on va voir comment ça fonctionne. Juste avant, je vous présente Kéfir de Saint-Etienne. Salut Kéfir. Yo, comment tu vas, Frédérico? Bonne année, bonne santé. Bonne année, la santé. Bah, j'aimerais te dire aussi, voilà. Plein de bonnes choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une journée un peu particulière. Hein. On va pas se le cacher, Kéfir. Donc, bah écoute, en tout cas, voilà, il faut en tout cas continuer aussi à vivre et résister, être là, être debout. Et c'est le cas dans la musique, et c'est pour ça aussi qu'on fait cette émission en direct et que D-Fool sera aussi en direct à pas louper dans quelques minutes. Kéfir, ça va toi, Saint-Etienne? Ouais, c'est nickel. Bah, je suis attristé par la nouvelle, mais bon, on va essayer de tourner la page. Exact. Et du coup. Et du coup, on va plutôt parler de Lino parce que c'est la première fois. Et puis, je sais pas si c'est pas la dernière fois que je vais avoir Lino au téléphone. Donc, c'est pas tous les jours Laisse-moi te présenter à Lino. Kéfir, il vient souvent rapper dans l'émission. Yes. Il rappe, il sort des projets. D'ailleurs, il est du côté de Saint-Etienne. Il a sorti un projet là récemment. Mm-hmm. Il était venu dans la nocturne d'ailleurs sur Skyrock. Et il est fou vraiment de rap français. Yes. Je pense que. Alors, la toute première fois que t'as écouté Lino, toi, Kéfir, tu te souviens? Ah oui, putain, c'est Lino, honnêtement, c'est un des rappeurs qui m'a mis vraiment une claque, que ce soit niveau punchline, ce qu'on appelle des punchlines maintenant, et les placements aussi, parce que le gars se place vraiment, c'est un truc de malade. Longtemps, j'ai réécrit ses textes pour justement essayer de me placer, essayer de voir comment faisaient ses placements, notamment sur le son Quelques Gouttes Suffisent, sur l'album du même nom. Yes. C'est une tuerie. Et d'ailleurs, j'ai l'honneur aussi d'avoir pris la place de Lino sur un son qu'il avait enregistré avec des très bons potes à moi. C'est le groupe IPM Lyonnais, de Lyon. Si il se rappelle bien, c'était sur la galerie des glaces. Il y avait Flores et tout ça. Et d'ailleurs il me raconte toujours des anecdotes sur Lino par rapport à cette séance d'enregistrement qui s'est fait vraiment improviser un soir. Et c'est mortel. Il y a trop de sons, honnêtement, sur la compil Hostile, sur le frère est motivé. Non mais c'est vrai, le morceau c'était Mortel Poison avec IPM et qu'on avait fait. Flores aussi, big up à Flores aussi, c'est le cousin. Et au groupe IPM, et à Lyon aussi, Saint-Priest aussi. Nous, on est natifs de Lyon aussi. Yes. Donc, un gros big up à Lyon, Saint-Priest, tout ça, pas de souci. Mais le frère est un expert. Il sait, et il sent. Tu vas l'écouter rapper maintenant. C'est parti, Kéfir? Yes, c'est parti. Allez, go. Ok, Kéfir. Skyrock, chez nous, yo, mec, y'a un paquet d'esquives que tu m'as sorti. Je suis pas le bonhomme sur un ordi, je mets des claques et des chiffres là en tête sortie. Pour toi c'est morti, t'es censé mort, je t'envoie dans les cordes, dans les orties. Je fais du hors-piste, flashback sur ma life, je rame depuis l'âge ingrat. Et à cette époque y'avait un script pop dans mon agenda. Je me souviens des postcards, Corio, Bombay, Gerta. Exprime sur les murs l'artiste qui sommeille en toi. Artiste, graffiti, hip-hop, solidarity, peace, unity, love et notre philosophie. Esprit conscient exigé que notre âme soit plus négligée. Pour que les wacks restent figés, qu'on puisse enfin tous émerger. Tout mon sac, j'ai pas déballé, ce son est un pas décalé, fallait pas me demander taille et braille, croyant que j'allais pas décaler. Envoie le beat crap que je puisse l'étaler, mettre une tannée stannée. Celui qui peut me battre n'est pas né. Avant de vouloir rapper, je te conseille d'apprendre à lire. Personne ne sait exactement ce que t'es amant à lire. Tu fais croire à ton entourage que t'es un dingue et que t'es nos limites, mais face à nous, tu n'as rien dans le ventre. Boulimique, le seul jour où t'étais passe. Et on dit que t'es le roi, mais t'as chopé la fève. Tu penses nous adouber, tu ne manques pas de souper. Voici mon couple, coup d'épée pour tout péter. Personne peut me doubler. Mais où t'étais quand t'écoutais, tout est pété. Tu me redoutais, tout est sur les veules. Ton coup d'écouter, voulait tous me shooter. KMFYR, One Mike. Je dédicace aussi à Kali, Samuel, Métric, Sika, Diogène, Pierrot, Smad, Ludo, Marshall, One Mike, O-N-E-M-I-C. Yeah, KMFYR. Yes, Kéfir à l'instant en freestyle. Merci à toi, Kéfir. Mais merci à toi. Je voudrais juste placer mon Facebook et placer un petit mot à John Rachid. J'aime beaucoup. Il est là, John Rachid. J'aime beaucoup ses sketchs et c'est mortel. Et qui passe le bonjour à Missa qui a posé. Allez, sur le projet. Allez, les Lyonnais. C'est très bon. Sur le EP du One Mic hashtag 1. Je dédicace aussi à Youssoufa qui est dans. Ah, merci pour ton temps. Parce que le mec, en plus, il y a même pas une semaine, je me suis mis éternel recommencement et j'ai pris encore des gifles. Ça fait 10 ans cette année, ça. Et franchement, honnêtement, là, il n'y a pas à dire, dans les locaux, il y a vraiment le rap français que j'aime, vraiment. Yes, merci. Et merci à toi, en tout cas, Kéfir. Merci beaucoup pour le soutien. Yes, merci. Yes, pas de soucis. Bonne année à Fab, bonne année à tout le monde. Et passe une belle soirée. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, Kéfir, par téléphone. John Rachid, ça va. Saint-Etienne, Lyon, c'est à côté, frère. Donc, Vrai, vous aimez bien quand il y a les. À part pour le foot. Il va devoir refaire l'histoire, lui. Genre, c'est son pote de ouf. Non, c'est pas mon pote. À part pour le teufou, sinon c'est bien. Teufa, t'avais chanté, toi, le lion est mort ce soir. Le mec, dans les 11 commandements, vous avez tous vu ce film. C'est lui qui joue dans les 11 commandements. Je te promets, je savais même pas. Tu te souviens pas, Lino? Ça a arrêté la badoie. C'est toi. C'est vrai que t'avais chanté, c'était où? Gerland, vous chantiez. Ouais, Gerland. C'était chaud. Hein, ah, tu m'étonnes que ça a dû être chaud, les gars. Que longtemps après, une fois j'étais parti au parc et j'ai vu les Bad Guns, ils sont venus nous voir et tout, ils étaient encore en colère. Ah bah tu m'étonnes. Et on leur a dit c'est que du cinéma, les mecs, arrêtez. Les mecs, pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez quand même mater le film, les 11 commandements. En fait, vous chantez à la façon d'un groupe qui s'appelait Po-O, le lion est mort ce soir à Capella, c'est ça? Ouais, mais surtout qu'on a dit qu'on était de Saint-Etienne. Voilà, vous êtes de Saint-Etienne, vous adressez en plus pile poil aux Bad Guns. Aux Bad Guns, quoi, aux Lyonnais. Ouais, c'était chaud. Et d'ailleurs, on a des trucs sur la gueule ou dans leur. C'est bon, tu peux revenir, t'es avec moi, tu peux revenir. Okay, je me souviens que t'avais pas mal couru, Teufa, on te voit courir. mais Teufa, il a combien de vies? Les Wap de Wap. Il a combien de vies, Teufa? Il a 9 vies. C'est toi le DJ dans TPMP. Hein. Fais gaffe, on les albums de Diam, c'est toi. C'est aussi lui. Kerry Jam, c'est toi aussi. Il est incroyable. Lino aussi, c'est toi. 9 vies comme un chat. Les deux balles de deck, c'est toi aussi. Ok, ok. Il a même fait Brel. Il y a bien longtemps. Le dernier album de Brel, c'est Teufa. Est-ce qu'on est prêt pour le. Il en est mort d'ailleurs. Bref, elle a crevé. Allez, Noise, c'est parti, session live dans Planet Rap. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Ah, yeah. Je sais pas où tu parles, frère. T'envoies un truc comme ça, pas grave. Yeah. Tu auras des buts, des maths, des buts à atteindre, des plaques à prendre, des paquets de gens qui luttent pour une cause des parquets, des jeunes qui chutent aux assises tant qu'il reste des minutes avant ça explose. Tant qu'il y aura des banques à braquer, des tas de choses à dire, des raisons de craquer, partir en couille, en martyr. Tant qu'il y aura des tatouilles encore fumantes sur le sol des patrouilles, tant qu'on aura que la violence comme argument, tant qu'ils auront pas ma dépouille et que pour se faire entendre, faudra se tamper. Tant qu'il y aura des nègres, des crouilles, faudra se tamper. Tant qu'il y aura. On se sépare en paix. Tant qu'on dépouillera nos blades, tant qu'il y aura des délits de sale tête. Tant qu'on annulera pas la tête de l'Afrique. Tant que la France sera pas prête à voir des tas de bronzés dans son écran. Tant qu'on n'aura pas stické l'Afrique. Tant qu'elle aura changé. Un rêve d'ici, la misère shoot. On a retrouvé le cadavre d'un monde planqué dans la soute. On nous a mutilés, qui peut l'ignorer? Suffit pas de décorer le tirailleur pour oublier Gorée. Tant qu'il y aura pas de justice en ce qui nous concerne, pas d'unité. Quand on tombe, on prend du ferme, on n'a pas d'immunité. Tant qu'il y aura pas de justice. Ok. Arsenic. Ce son reflète les portes des blocs, c'est la bande son. Bloc, c'est la chanson, délinquante musique. Pour tous mes gars sous tension, ça zique les phrases socles, les récales détonations. Délinquant. Yeah. Requiem dans les bacs. Prince parolier, les lyricistes pantou. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tu croyais quoi qu'on était calme, fils, t'as du mal à comprendre. Dans ce foutu rap, y'a qu'à mon mic à qui je fais grave confiance. À ce niveau-là, j'ai pas de morale, ni de cas de conscience. Ni que l'autotune, ni que le trap, ni que le rap conscient. Il faut que tes gars se concentrent, il faut que tes gars se contentent. Cache content, book toujours indépendant, mais regarde contente. Que le rap, c'est franc, me néglige, je ne sais pas ce qui rate. Si j'étais né vers Queensbridge, je serais Nasty Nas. Ils parlent des petites guns, gangsta dans leur single. Mais calme-toi, ma petite gueule, à ce qui paraît, t'as un big buzz. Cherchez le buzz, arrête le bis des béros, t'as dû faire 200 000 vues la semaine où j'ai fait 200 000 euros. Mais c'est pas parce qu'on veut se faire rare qu'on est plus à la mode. Les rats ne deviennent jamais rois, même quand le lion est mort. Et non, on prend du grade les mauvaises langues, Jacques. Et à la fin, c'est nous qu'on gagne, c'est nous la mancha. Prime Sparolier. Bordel. Arsenic. Yeah. Requiem, ça dit quoi? Y'a qui? Y'a Bex. Bex, là, ou pas? Bex, là. Laisse le son, Galacote Musique. On va faire un petit truc pour Monsieur Lino. Nectar. Le 12 janvier dans les bacs. Yeah. Hey. Bordel. One Love Commando, voici le style nouveau, Madin si chaud. Pas de blague, je prends des rigs, fan de grain, c'est par M. Erko. Claque sonore, c'est plus du rap. Bon, le Nord, c'est du hostile level. Jamais de je m'arrêterai, seul le jour où mon cœur cessera. On ne peut pas aimer sans souffrir, voilà pourquoi réussir c'est dur. Love Life, c'est le thème de mon projet éclectique. J'en ai rien à foutre, mec, je te moque. Yeah. Reprends le truc, négro, on part en improvisation. Y'a Monsieur Bexoul, ici à. Dans la direction, en live direct, y'a le monsieur Youssoufa, c'est A-M-P-O et L-E-N-O. Mon place à moi, c'est B-E-K apostrophe F, négro. Tu sais, je suis pas un pro en impro, mais juste un. Mon avocat du C-O-N-G-O, en microphone, dédicace à mes négros au 6ème show, mec. Moi, je sais, mes rimes sont à deux temps. Rien à foutre, négro, toi-même, tu sais, négro, je tombe pas sur mes beugeons. Parce que Beck Soul est un pro en impro. Rien à foutre, négro, qui veut me clash ici, négro, je suis chaud, mec. Pas de clash, on va être posé, on va être poli. Au microphone, quand je sais que tu te couches comme Miley, mec. Tu sais, B-E-K apostrophe S, dédicace à Lombardo, ma photographe, mec. Je reprends les trucs, négro, il faut que je perde pas le souffle. Au microphone, négro, il faut que négro prennent leur douche. Oh mec, toi même tu sais, j'improvise pour mon pote Bex. Non, pour mon pote, il est N.O. C'est pas mon pote, c'est mon grand frère. Rien à foutre, négro. T'es qui là pour le mec? Parce qu'ici, c'est la guerre, mec. On va leur montrer qui est carrément de tête son impro. Toi même tu sais, négro. Vas-y, on prend le truc. Parce que les négros ici veulent pas rapper. Au microphone, c'est normal, commando toc vient donner une putain de leçon. Il est nerveux, il s'est emporté, le frère. Et il y a monsieur Tequila qui est là. Salam alaikum les frères. Salam alaikum. Arsenic. Salam alaikum. Négro, ok. Improvisation sec, on dirait live du planète rap de Porsche. J'arrive ici, c'est tech à la méthode, putain de Corse. Y'a pas de problème, je rappe sur Rome, négro. Au microphone, négro, j'arrive, je nique tout, même les putains de rhum. 954 la room, y'a pas de problème au microphone, c'est là, je dédicace à mes gars, Youssouf. Y'a Youssoufa dans la place. Au microphone, n'est qu'il a au microphone, je dérasse ça. C'est AL, c'est comment? Vexoul, c'est comment? Villelbel, c'est comment? 6ème show, le régiment. 954, y'a pas de problème. Villelbel, au microphone négro, je pète les décibels. En direct live avec les potos. 954 sans squat, négro, j'allume tes putains de potos. Tu veux ma photo? Amène-toi, amène ta fouf. Ok, hey, vas-y, là au mic de bouffe, les gars. J'ai pas fini, je continue de niquer l'instru. Au microphone négro, ce soir, je suis pas invité, j'ai un instru. Je suis arrivé à la fin, en dernier. Au microphone, t'inquiète pas, les derniers seront les premiers. C'est douchant, non. Si j'aime chaudron. 95-400, on bouffe le goudron. Espèce d'enfoiré, laisse-moi teaser ma tocole. Mais quand toi-même tu sais, avec l'alcool, c'est plus folle. La fête est commando toxique, mec. Ils ont dit qu'on était dead. Allez à lâcher l'album de Lino le 12 janvier. C'est chaud, y'a rien. Yeah. C'était la session live à l'instant dans l'émission. Dans Planète Rap. Yes. Ah ouais. Et on a reformé Commando Toxique. Ouais. Voilà. Les gars, ils étaient en bif. Je crois qu'ils étaient en bif. Les mecs étaient en bif. Ils se sont retrouvés. Et ce soir, ils se sont retrouvés. L'amour, la flamme. Et ils repartent en tournée avec les dates que va nous donner. Ils ont ravivé la flamme et repartent en tournée direct après. Avec des dates que tu vas nous donner, Tequila, tout de suite. Il y a les nouvelles. Il y a les nouvelles dates qui arrivent. Non, le commando est en guerre. Non, frère, il n'y a rien, on est là. Villelbel. Comme il sait le boss, on travaille nos projets. C'est ça. Projet liaison toxique. Tequila. Je suis en train de peaufiner, de terminer, qui arrive très bientôt. Il y a le projet du poteau Bexoul Love Life qui est là aussi. C'est ça. On prépare les affaires doucement, tranquillement. Ah ben. En sous-marin russe, il y a foi. Merci à vous en tout cas pour cette soirée. On est toujours prêt pour la guerre, poteau. C'est pour ça que je suis venu en kaki. Et merci pour cette soirée. On va saluer un petit peu tout le monde. Merci John Rachid d'être passé en tout cas. On voilà. Salue. Merci qu'est-ce à vous. Qu'est-ce qu'on va faire en 2015 2015, De la scène, une série sur France 2, un court-métrage. Et puis ah, il est bon, lui, cinéma, tout, une série sur France 2. Et surtout, les Yougos en bas, donc bon courage. Salut, super content de te connaître, John Rachid. Merci à toi d'être passé. Youssoupha, donc on t'attend. Ouais. Là, ça y est, dans les jours qui viennent. Vas-y, ouais. Premier extrait de Négritude, ça arrive. Ça arrive. Dans la nocturne. Ça fait plaisir. Dans la nocturne, c'est qui présente déjà, c'est tout. C'est toujours Fred. C'est un mec qui connaît. Toujours Federico. Ouais, c'est ça. Je crois. Si c'est toujours lui, alors c'est bon. Alors. Ça doit être lui. Ça arrive dans la doctrine. Premier extrait d'Antoine de Négritude pour ceux qui l'ont beaucoup attendu. Bah, merci d'être passé en tout cas ce soir. Merci. Allez attraper le vrai rap du Requiem le 12 janvier, c'est ça? Yeah. Oui, là, 12 janvier. Qui était là avec nous. Yeah. Venu supporter Tino, le grand frère, l'ancien, le loin. Donc allez attraper l'album. Allez tout de suite attraper Requiem. C'est très très important. Sinon, moi, Willax, tu peux toujours me retrouver sur YouTube, Daily, Facebook, tu vois. Et bientôt à la radio. Et bientôt à la radio. Il va faire bientôt de la radio. Ah ouais? Bon, là, c'est où? Dis-le. J'accompagne Pascal Sevran à la radio Le Move que vous connaissez. Ah, c'est bon ça. On fait ça en calme. C'est bien. Fred, il est sport, il fait les pètes des autres. C'est bien. Non. Attends. C'est bien. Les nouveaux talents. On salue les. À l'antenne, on fait la pub du Move. Lino a 2 semaines de Planète Rap. Je m'en vais un dans Skyrock. C'est plus la même chose. Vas-y, Donnel, tu fais nous ta promo. Et Donnel aussi. Tiens, Donnel qui sera sur scène là du 21 au 24 janvier. Du 21 au 24 au point virgule. Et de toute façon, j'aimerais dire à Skyrock que c'est cool. Vraiment, je suis content de vous revoir Bors dans cette radio. Skyrock, c'est du premier sur le rap. Il fallait le rappeur number one. Donc là, vraiment, on est là, ville est belle, on va brûler Sky. Je suis confus. Et on ira te voir donc 21-24 janvier à Paris, au point virgule à 19h. Je t'attends, Fred, j'attends. Ah merde, c'est 19h, tu veux pas décaler un peu? Parce que dans les maquis, mais il faut venir sur scène. Oh l'enfoiré, fallait pas le dire ça. Lino, tu viens aussi. Moi, je vais venir. Merci, tout le monde. Merci, les gars. Et juste avant de retrouver aussi D-Fool, la radio libre, on fait tourner la roulette, c'est parti. Yes. 2015 démarre bien. Ah bien, cousin. Skyrock t'invite sur le Cosmo Tour de Soprano dans toute la France. Salut Quentin de Marseille, ça va bien? Ouais, ça va, salut tout le monde, salut Fred. Bah, bienvenue Quentin, tu es prêt à faire tourner la roulette? Ouais, carrément, franchement. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. La roulette tourne, ouais. Allez. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi. Ah bah. Il va jouer à domicile à Marseille au Dôme. T'as 2 places pour aller voir Monsieur Soprano qui sera en tournée de nouveau à partir du 27 février. Sopra qu'on salue aussi. C'est parfait, vas-y, merci beaucoup. Hein. Passe une bonne soirée, merci à toi. Merci beaucoup, ciao. On va retrouver maintenant D-Fool, c'est l'heure de la radio libre après Lino qui reviendra lui demain. Faut pas oublier demain on est là. Lino, on est au café de la presse là ce soir. Ah, un petit showcase. Avec Jackie. Voilà. Ah oui, il y a le showcase pour le lancement de Faut que ça trace de Jackie. Donc on Trace TV et Jackie Brown. Voilà, on déboule et là-bas tout de suite. On va jouer là. Direction là-bas. Yes. Pour donner un petit peu de musique à tout le monde, ça va faire du bien. Ok, surtout aujourd'hui. Merci à vous tous. Yes, merci. Merci à tout le monde. 19h50, 19h52. Yeah. Un petit peu avant 20h. Merci Fred, merci. On est là. D-Fool, tu es là? Je suis là, Fredo. Ouais. Yes. Merci Lino pour ce début de soirée. Merci, merci à tous ceux qui sont passés. J'ai entendu Youssoupha. Oui. Comment vas-tu, Youssoupha? Je vais bien, vous allez bien? Alors, tu passes plus loin. Il se moque aussi de ton cheveu sur la. Mais qu'est-ce que c'est? En plus, le pire, c'est que d'habitude, c'était le même. Mais là, maintenant, ça a contaminé tout le monde. Mais c'est pas grave, j'arrive. En plus, maintenant, j'ai les locks qui sont longs. Donc, je suis méchant. Ah, ça y est. Ah, t'es loxé maintenant. C'est un lion. La vie d'Oise. Je suis à Lyon. À Lyon. J'arrive sur vous. Oui, arrive sur nous. Mettez plein de cheveux sur la langue parce que. Oui, arrête. Romano, il a toujours pas sur la tête. Il a pas changé. Toi, tu fais pousser les locks. Pour Romano, non. C'est ça. Je lui donnerai des locks de Redouin comme ça. Ah, merci. Oh, tu vois, mignon, tiens. Sur ma tête. Vas-y, à très vite. À tout de suite, Youssoupha. Voilà. Une des premières surprises de la soirée. Lino, à demain. Demain pour Planète Rap. Comme l'a dit Fredo, juste avant 20h. Juste avant 20h avec Lino et l'album Requiem. Et nous, on sera là. Et on est là ce soir, on est là tous les soirs avec vous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous pouvez débarquer ici. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler dès maintenant si vous avez un truc à dire. Au 41-759 sur skyrock.fm, vous pouvez nous laisser vos messages sur l'appli Skyrock aussi. Et puis, si vous avez envie de dire un truc, vous profitez. Radio Libre, c'est tous les soirs avec vous sur Skyrock. Et puis, on est de retour tout de suite, comme tu disais, une journée pas facile pour. Pas facile non, aujourd'hui. Ça. Non. Il y a eu mieux. Ouais, il y a eu mieux. On est tous Charlie ce soir et voilà, depuis aujourd'hui. On a donc une belle soirée à passer ensemble parce que quoi qu'il arrive, on est là, on vous attend dès maintenant. Allez-y, profitez. 01 53 40 30 20. La radio libre démarre tout de suite avec Fredo. Avec Mark Ronson et Bruno Mars. Bien joué, oh, mais Mark Ronson et Bruno Mars. Mais tu ne serais pas animateur radio. Et rappeur professionnel. Planète rappeur professionnel. À l'instant. Ouais. Impressionnant. Impressionnant. Après avoir balancé mon 16, je pars me coucher. Bon, bah, c'est parti pour. C'est ce que j'ai de mieux à faire. C'est parti, Fredo. Reste à l'écoute, on est là jusqu'à minuit. Bien sûr, à l'écoute. Radio Libre. Allez, on vous attend en direct jusqu'à minuit avec Mark Ronson et Bruno Mars tout de suite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.